Bonjour, bienvenue dans cette septième vidéo de méditation semi-guidée. Aujourd'hui, nous allons explorer un sentiment particulier qui est la gratitude. Pour commencer, prends la position habituelle que tu dois maintenant connaître. Prends une position confortable, équilibrée, et garde une respiration lente. Tu peux fermer les yeux ou garder les yeux fixes sur un point particulier selon ta préférence. Une fois que tu es en place et que tu as trouvé une position dans laquelle tu peux rester immobile pendant toute la séance, tu peux penser à la gratitude que tu ressens pour toutes les personnes que tu aimes. Pense d'abord à la reconnaissance que tu as pour un proche. Ça peut être un membre de ta famille, peut-être un parent, un frère ou une sœur, un ami très proche. Prends quelques minutes pour ressentir et te rappeler la reconnaissance que tu as pour cette personne de ta famille ou cette personne très proche. Pense à la gratitude que tu ressens et examine ce sentiment dans tous ses détails. Ressens ce sentiment en toi aussi fort que possible. Pense à nouveau à la reconnaissance que tu as pour un proche, cette fois-ci un peu plus éloigné. Ça peut être un ami, quelqu'un qui n'est pas une connaissance, mais qui n'est pas non plus quelqu'un dont tu es très proche. Ressens toute la gratitude que tu as pour cette personne. Encore une fois, observe ce sentiment de gratitude que tu as pour lui ou pour elle dans tous ses détails. Essaye de situer ce sentiment de gratitude dans ton corps. Essaye de l'imaginer. Quelle est sa couleur? Quelle est sa texture? Qu'est-ce qu'il te fait sentir, ce sentiment, en toi? Concentre-toi encore sur ce sentiment de gratitude. Pense maintenant à la reconnaissance que tu as pour une connaissance ou alors un ami éloigné, peut-être pour quelqu'un qui t'a rendu un petit service un jour, mais que tu ne connais pas très bien. Peut-être pour quelqu'un qui a eu une attention pour toi de manière désintéressée et qui t'a redonné le sourire. Pense à cette personne et imagine que tu lui envoies toute ta gratitude. Concentre-toi bien sur ce sentiment, examine-le et ressens-le au plus fort en toi. Pense maintenant à la gratitude que tu peux avoir pour quelqu'un que tu n'as encore jamais rencontré, mais qui t'a beaucoup apporté dans ta vie. Cela peut être un auteur, un musicien, ou alors quelqu'un qui t'a rendu un service sans même le savoir. Envoie à cet inconnu la gratitude que tu ressens pour lui. Imagine ce sentiment en toi, visualise-le, ressens-le, puis envoie-le à cette personne. Pense maintenant à quelqu'un qui a été ou qui est encore ton ennemi, ton adversaire, quelqu'un qui te fait obstacle. Quelqu'un qui a voulu peut-être te ralentir, qui t'a insulté ou critiqué, qui t'a fait du mal, directement ou indirectement, mais qui en faisant cela t'a aidé à grandir, à devenir plus fort. Pense à ce que cela t'a apporté de positif. Et pense à la reconnaissance que tu dois à cette personne. Ressens la gratitude que tu as pour cette personne, pour cette épreuve qu'elle t'a donnée. Imagine que tu envoies ta gratitude à cette personne. Pense maintenant à ton état de santé ou au fait que tu sois en vie. Pense à la gratitude que tu peux ressentir pour ton corps. Pense à la chance que tu as d'être en bonne santé si c'est le cas. Pense ensuite à la chance que tu as d'exister et la chance que tu as que le monde existe. Pense à la gratitude que tu peux avoir envers l'univers pour cette expérience que tu as la chance de vivre. Envoie ta gratitude à l'univers. Pense à la gratitude que tu peux avoir envers l'un de tes ancêtres, de t'avoir fait hériter de la vie. Pense à la gratitude que tu peux avoir envers toi-même pour ce que tu as fait de bien pour toi par le passé, ou pour ce que tu fais de bien pour toi aujourd'hui. Envoie-toi cette gratitude à toi-même. Tu peux maintenant lentement ouvrir les yeux, puis tu peux lever les bras et t'étirer. Lors de cette journée, tu pourras continuer à regarder les choses et les personnes avec ce même sentiment de gratitude. Tu observeras peut-être des réactions différentes et tu verras peut-être le monde différemment. Emporte avec toi un peu de cet état de gratitude que tu as créé en toi aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle séance de méditation avec une instruction différente. Passe une très bonne journée.